Oui, oui, j'aurais voulu danser, j'aurais voulu danser toute la nuit. Non, non, je ne sais pas pourquoi, je voulais danser, danser avec moi. J'aurais voulu danser, j'aurais voulu tourner jusqu'à la fin des jours. Tout étourdi de joie, tout imprégné de toi, au rythme de l'amour. Toute la nuit, la vie, peut-être juste le temps.